émissions de qui je voudrais, voudrais imiter, mais plus vite fait, t'as dépigé, t'as milité, tu m'as évité, va m'éviter, je sais pas, dessiner si je me mets, tu vas halluciner, chez moi c'est inné, moi c'est mis, yo, depuis le lycée, yo, ah oui, fallait s'y glisser avec les yeux plissés, yo, ne pas laisser passer les tas, c'est le cas, c'est le cas, au fond de la classe, on sait, c'est le prévu pour qui on sait, je vais m'imiter, mes phases, imiter le sage, disirozo, misinozo, eh, visibiliser entre les pages, entre les marges, le savoir, une arme, je suis barge, moi je vais l'utiliser. Pire au point, je te tire dessus. Pire, je rime sur cette démocratie où la raison du peuple n'existe plus. Car c'est trop facile de dire que le peuple ne décide plus. Je veux pouvoir pas le donner. Donc, voter ne m'évite plus. Ciel gris, sable, orage éclatant pour aujourd'hui, c'est mort. Donc je mets le son fort et le lyrique, c'est pas le temps. Pas temps, en partant, je te le dis, j'ai pas le temps pour la mort. Pas le temps pour les bijoux, pas le temps pour le trophée, je peux en trouver pour un bijou. Pas le temps pour le trophée, puis j'ai pas les jambes de visage. Tu prends pour un gros bonnet, moi j'ai pas le temps pour les bijoux. Thank you.

sur de la fin, faire de part de là, ou de bouche de là, ou de cas. Moi je ne risque pas, non je ne suis pas tout de cas. Je suis un petit moment mental, mais j'ai la saveur. Petit banane, mais j'ai des ailleurs. J'ai la saveur, tu sais, le monde a passé. Je suis continuellement, c'est vrai, et le meilleur. Bibo Valencia. Thank you. Champion de Bill, ok, ok, bon, mieux que tu t'en ailles vite maintenant. Je vais, tu peux dire adieu au mic, c'est comme ton Bill. Tu m'as donné, tu peux faire dodo dans mes cigognes. Tu veux prendre, j'ai pris du judo, champion des cadeaux. J'ai pas un peu d'alquide, viens me chercher et je peux faire pas de cadeau. Thank you.